Yeah. Oh, oh my god. Yeah, yeah. Hey, certains de mes proches disaient que j'irai pas non, non. Fais faire le tour du monde, pas le tour du quartier. Don't worry. Ma prof me disait arrête de rêver. Arrête de rêver, man. Ma mère m'a dit vas-y si tu crois. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la, la. Je me rappelle quand tu demandais c'était qui, mec. Maintenant tu dis que tu me connais depuis la prime. No. Irréversible, je peux pas retourner ma paix. Et je peux pas. On sera ensemble jusqu'à que je quitte la paix. Je réussis, t'es pas content. Si j'échoue, t'es content. Aujourd'hui je fais la guerre. Demain j'aurai la paix. Chaque jour suffit sa paix. Chaque jour suffit sa paix. La défaite, la connais pas. Mais la victoire me connaît. Je veux faire partie de ma vie. Partie de ma vie. Je parle pas la bouche pleine. Je vais manger les poches pleines. C'était prévu, c'est écrit. Yeah, yeah, yeah. C'était prévu, c'est écrit. Yeah, yeah, yeah. Certains de mes proches me disaient que j'irai pas loin. J'irai pas loin. Fais faire le tour du monde, pas le tour du quartier. The world. Ma prof me disait arrête de rêver. Arrête de rêver. Ma mère m'a dit vas-y si tu crois. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la, la. Deux, trois potes prennent leur distance. Bye bye. 4-5 veulent profiter du succès. Ouais. Prends un selfie avec la fille de ma proche. J'prends la peau. J'ai rampé comme un gosse, marche comme un boss. Okay. Et tu demandes comment je fais. Okay. Je vais pas lâcher l'affaire. Okay. T'inquiète, un jour j'y serai. Du bitume au sommet. Okay. Avoir des rêves c'est bien, les réaliser c'est mieux. Yeah. La défaite la connais pas, non, mais la victoire me connaît. Je veux faire partie de ma vie. Partie de ma vie. J'pars pas la bouche pleine. Je vais manger les poches pleines. C'était prévu, c'est écrit. J'irai pas loin. Fais faire le tour du monde, pas le tour du quartier. The world. Ma prof me disait arrête de rêver. Arrête de rêver. Ma mère m'a dit vas-y si tu crois. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la. No. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la. No. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la. No. N'écoute pas les blabla, blabla, la, la, la. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, t'as pas cru en moi. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait.